Tiens. Chers. Mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. J'entends sa réponse.